Chapitre 9. Jeanne, étant tout à fait remise de ses couches, on se résolut à aller rendre leur visite au Fourville et à se présenter aussi chez le marquis de Coutelier. Julien venait d'acheter dans une vente publique une nouvelle voiture, un phaéton, ne demandant qu'un cheval afin de pouvoir sortir deux fois par mois. Elle fut attelée par un jour clair de décembre et, après 2 heures de route à travers les plaines normandes, on commença à descendre en un petit vallon dont les flancs étaient boisés et le fond mis en culture. Puis les terres ensemencées furent bientôt remplacées par des prairies, et les prairies par un marécage plein de grands roseaux secs en cette saison et dont les longues feuilles bruissaient, pareilles à des rubans jaunes. Tout à coup, après un brusque détour du val, le château de la Vrillette se montra, adossé d'un côté à la pente boisée et, de l'autre, trempant toute sa muraille dans un grand étang que terminait en face un bois de hauts sapins escaladant l'autre versant de la vallée. Il fallut passer sur un antique pont-levis et franchir un vaste portail Louis XIII pour pénétrer dans la cour d'honneur devant un élégant manoir de la même époque, encadrement de briques, flanqué de tourelles, coiffé d'ardoises. Julien expliquait à Jeanne toutes les parties du bâtiment, un habitué qu'il connaît à fond. Il en faisait les honneurs, s'extasiant sur sa beauté. « Regarde-moi ce portail. Est-ce grandiose, une habitation comme ça, hein ?» Toute l'autre façade est dans l'étang, avec un perron royal qui descend jusqu'à l'eau, et 4 barques sont amarrées au bas des marches, 2 pour le comte et 2 pour la comtesse. Là-bas, à droite, là où tu vois le rideau de peupliers, c'est la fin de l'étang. C'est là que commence la rivière qui va jusqu'à Fécamp. C'est plein de sauvagines, ce pays. Le comte adore chasser là-dedans. Voilà une vraie résidence seigneuriale.